Musique. Mon nom est Simon Roy. Vous allez m'avoir pour la prochaine heure entre les deux oreilles. Donc, cette semaine à Web Musique, qu'est-ce qu'on a? On a un peu de musique tendance vraiment plus électronique. La semaine passée, on s'est fait du fun avec pas mal de punk, dance punk, musique dans ces genres-là. Donc, cette semaine, on va s'amuser avec la musique électronique. Le premier artiste s'appelle NMLS. Il a fait un cover de certaines pièces de Chopin, mais version électronique. Il y a un album vraiment intéressant. Je vous invite à le télécharger. C'est assez incroyable comme album. Donc, je vous fais passer sa pièce Chopin Bros. Ensuite de ça, publié sur Anansi, c'est Franz Snake avec sa pièce Emden. Donc, on débute tout de suite avec NMLS. We'll be right back. une pièce tout à fait inoffensive de Franz Snake. C'est un artiste qui dit qu'il est japonais, mais je le crois pas. Son vrai nom, c'est Sovietsky Brezhnev. Je crois plutôt qu'il est russe, mais en tout cas, on va lui laisser le bénéfice du doute. On va dire qu'il vient du Japon. Donc, c'était sa pièce Emden. C'était publié sur l'excellent netlabel Anansi, un netlabel qui nous vient du Japon. Avant ça, on avait débuté l'émission avec NMLS. C'est un artiste, son vrai nom qui s'appelle Pietor Michalowski. Donc, un artiste polonais. C'était sa pièce Chopin Bros. C'était une pièce, un cover d'une pièce de Chopin, donc, mais version électronique. Pour poursuivre web musique, on va écouter une pièce de Koning Sadgott, la pièce Lonely. Ensuite de ça, publié sur Pavilion 36 Recordings, l'artiste s'appelle DESK. La pièce s'appelle Exchange. C'est un remix par Syndrome. Vous allez voir une pièce vraiment excellente. Ben, pour tout de suite, c'est ça à Web Music. On écoute Koning Sadgott. Thank you. Dubstep complètement mental à web musique. Donc, il s'agissait de The SK. C'est une pièce remixée par Syndrome, qui est le fondateur du netlabel Pavilion 36 Recordings. Donc, c'était la pièce Exchange. The SK, un artiste français. Pavilion 36 Recordings, donc c'est un netlabel qui vient de la ville de Nîmes, en France, qui existe depuis 2007. C'est un netlabel que j'adore, donc allez faire un tour du côté de Pavilion 36 Recordings. Vous pouvez y accéder via le site de Webmusic qui est au www.webmusic.ca. Avant cette pièce-là, ben, c'était un artiste allemand du nom de Koning, Sadgott. La pièce s'appelle Lonely. Ça, c'était publié sur le netlabel allemand RTQ, un autre excellent netlabel qui compte jusqu'à maintenant 35 albums, donc quand même assez actif. RTQ, un netlabel à connaître. Donc, là, on va se diriger du côté de l'Autriche avec El Aijin. Sa pièce s'appelle Out of the Unknown. Ça, c'est publié sur Papermill Records, un netlabel qui vient de la Colombie-Britannique. Il n'y avait pas énormément de netlabels au Canada, mais Papermill Records font quelque chose de vraiment intéressant. Ça, c'est tiré de la compilation, ou plutôt, c'est plus un projet du netlabel. Donc, c'est une compilation qui s'appelle 2999. C'est des illustrations du futur, donc des artistes qui imaginent qu'est-ce que serait le futur en 2999. Et il y a des artistes qui sont jumelés pour illustrer illustrer de façon musicale les illustrations. Donc, un projet vraiment intéressant. Il y a quand même beaucoup de pièces qui sont rajoutées au fur et à mesure que le temps passe. Donc, il faut retourner de temps en temps pour voir les nouvelles pièces. Donc, c'est ça. On écoute tout de suite El Aijin avec la pièce Out of the Unknown. Thank you. You got, then you ain't got much. ouverture des portes 21h, showtime 22h. On fête l'équinoxe du printemps, la pleine lune et le quatrième anniversaire des productions de Loom. Collaboration avec CKRL, le CERF et vous. Diaporama d'affiches de Mathieu Place. Dévoilement de nouveautés sur le site web du Production de Loom. DJ Sonkerpong jusqu'à la fermeture. Du bon arrêt à la fin. Samedi 19 mars, ouverture des portes 21h, showtime 22h, $15 à la porte. CKRL passe en mode financement. Devenez membre de CKRL pour seulement $25 et soutenez la création radiophonique la plus inédite. Être membre de CKRL, c'est encourager les artisans bénévoles qui créent 365 jours par année des émissions de grande qualité. Être membre, c'est aider la relève artistique en musique, arts visuels, théâtre, littérature et la danse. Profitez de votre carte de membre en adhérant maintenant au coût de $25 et bénéficiez de rabais chez plusieurs marchands de la région de Québec. À noter que votre carte est maintenant valide pour un an à la date d'adhésion. Envoyez votre don avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner un certificat de $300 du restaurant Le Poisson d'Avril. Téléphonez au 88 640 2575 ou adhérez en ligne à ckrl.qc.ca. Le tirage aura lieu le 1er avril à 17h. Tout ça dans la boîte à cassettes de Jean-Philippe Deschênes, les mardis dès 20h. À Web Music, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Avant la pause, on entendait un artiste autrichien du nom de El Aijin. Sa pièce s'appelle Out of the Unknown. C'était publié sur l'excellent netlabel Peppermill Records, un netlabel qui vient de la Colombie-Britannique. Pour poursuivre Web Music, on va se diriger dans des territoires un peu plus drum and bass. On va écouter tout de suite Sudden Conflict. C'est un artiste russe, donc je vous fais passer sa pièce de Killer. C'est sur une compilation qui est sur Rozod Netlabel. Rozod, c'est un Netlabel donc, qui est renommé pour son drum and bass. Ils ont eu des petits problèmes récemment. C'était assez difficile d'accéder au site, mais ça semble réglé, donc on peut y accéder normalement. Donc c'est tiré de la compilation Plastedo Action Part 1. On dit une compilation, mais c'est plutôt un split album. L'autre artiste qui partage l'album s'appelle Satan. Donc, ensuite de ça, ça va être Punch avec sa pièce As We May Think. Ça, c'est publié sur Starfrosh, un autre net label assez mythique. Donc, pour tout de suite, on écoute Sudden Conflict. Thank you. We'll be right back. de l'Allemagne, c'était Punch avec sa pièce As We May Think. Donc, c'était publié sur Starfrosh, un net label qui est suisse. Avant ça, de la Russie, c'était Sudden Conflict avec sa pièce The Killer. Ça, c'était publié sur Rosod net label, un excellent net label qui nous vient de la Russie. On poursuit avec Namaste Prana, la pièce Cannot Ignore My Veins. Thank you. c'était une pièce de Namaste Prana, donc un artiste qui vient des Pays-Bas, je crois, mais qui a vraiment tout effacé ses traces des internets. Donc, j'ai pas vraiment plus d'informations à propos de l'artiste. Je peux juste vous dire que sa pièce s'appelle Cannot Ignore My Veins. Donc, je vous ai trouvé ça sur Internet Archive. On va se laisser sur une dernière pièce de Limit. Sa pièce s'appelle Technology. Moi, je vais vous rappeler que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Il y a aussi la balado-diffusion qui est disponible. Donc, on retrouve tout ça au www.webmusique.ca. Venez faire un tour, téléchargez la musique et partagez-la avec vos amis. Donc, ben, c'est ça. On se laisse avec Limit. Puis, tout de suite après, ben, ça va être Doc Franco qui va prendre les ondes de CKRL. Puis moi, ben, je vais vous donner un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Web Musique. Bonne soirée.